la vallée des morts. Thèbes est une cité de monuments, autant pour les hommes que pour les dieux. La rive orientale du fleuve compte de nombreux temples, obélisques et grandes statues. Les temples, qui ont subi les ravages du temps et de la négligence, sont reliés entre eux par de magnifiques avenues où sont alignées des statues de personnages et se reflètent dans des lacs et des étangs artificiels, et tout cela contribue à donner à cette cité une grandeur qu'on ne retrouve pas dans les autres cités humaines. C'est sur la rive occidentale du Nil que sont enterrés, dans des tombeaux somptueux, les morts de la famille royale. Plusieurs des tombeaux de la nécropole ont été pillés par les adeptes du culte des résurrectionnistes, mais plusieurs autres demeurent dissimulés dans le sable, attendant d'être découverts à leur tour. Les rues de Thèbes éclairées par le clair de lune ne sont pas vides pour ceux qui possèdent le don de double vue. Elles sont en effet remplies par une foule solennelle. Des fantômes déambulent dans les avenues qui unissent les temples en procession silencieuse et imposante. Des colonnes de prêtres portent des plateaux d'encens fumants à l'avant des chariots fermés qui contiennent les statues des principaux dieux et déesses du pays, car il est courant pour les prêtres de faire parader leurs dieux devant le peuple, bien que ces derniers étaient toujours dissimulés derrière les rideaux des chariots qui les amenaient de leur temple et les y retournaient. Le grand dieu de Thèbes était Amon, qui est parfois représenté sous l'apparence d'un homme ou d'un homme avec une tête de bélier et plus rarement sous la forme d'un bélier entier. C'est en son honneur que fut érigé le plus grand des temples de notre monde, un temple doté de colonnes qui rabaissent l'orgueil de quiconque foule ses dalles de pierre à demi ensablées, car chaque colonne mesure 10 fois la taille d'un homme, et elles sont si rapprochées que celui qui marche entre elles se sent écrasé par leur taille immense. Les monuments des anciens eux-mêmes ne parviennent pas à diminuer sa grandeur. C'est dans les profondeurs secrètes de ce temple que, dans les temps anciens, fut préservée la première statue d'Amon. Elle était douée de vie, car c'était la magie des prêtres de ce pays qui animait la statue d'Amon dans le temple et qui conduisait un genre d'essence spirituelle à s'y établir afin que puisse s'exprimer la personnalité et la raison d'être du dieu lui-même. Les ignorants ont écrit qu'Amon lui-même habitait la statue, mais cela est faux. La statue était l'hôte de son émissaire qui parlait et agissait avec les connaissances et la puissance du dieu, mais le dieu habitait en un autre endroit. Il rêve encore à Kadat, dans le désert gelé, avec les autres dieux de ce monde. Un voyageur originaire de notre pays, qui était versé dans la nécromancie, apprit auprès des goules de Thèbes la légende selon laquelle une grande cache d'objets précieux se trouvait enfouie sous le sol du temple aux colonnes. Les richesses de ce temple avaient été enterrées à la hâte par les prêtres afin qu'elles ne soient pas pillées lors d'une des nombreuses invasions de l'Égypte. La légende ne révèle pas qui étaient ces envahisseurs. Par quelque malchance, ces précieuses choses n'ont jamais été déterrées. Les envahisseurs ont peut-être tué tous les prêtres qui avaient une connaissance précise de l'emplacement de cette cache. Les goules ont bien appris cet emplacement, mais elles ne veulent pas dire d'où elles tiennent cette information. Le voyageur embaucha 2 ouvriers qui avaient l'habitude de travailler au clair de lune et en qui il pouvait avoir confiance pour qu'ils ne parlent pas de leurs affaires, et ils entreprirent de déterrer le trésor. Ils creusèrent pendant plusieurs heures et découvrirent une statue d'Amon. Elle avait la taille d'un homme et elle était faite de bronze recouvert de feuilles d'or. La valeur de l'objet était plutôt faible car la statue n'était pas incrustée de pierres précieuses ni d'ornements en or ou en argent. Son apparence était parfaitement ordinaire à l'exception d'un détail, son énorme phallus en érection tout à fait obscène. Cela suscita une série de plaisanteries grivoises de la part des 2 ouvriers. Mais le voyageur les incita rapidement à retourner creuser, tandis qu'il examinait la statue plus attentivement. Il aspira un souffle de surprise entre ses dents lorsque ses talents de nécromancien lui révélèrent que la statue était en vie. Les centaines et les centaines d'années pendant lesquelles elle avait été enterrée sous le sable sec du temple n'avaient pas effacé son identité. L'esprit présent dans le corps de bronze prit conscience du voyageur après plusieurs minutes, comme s'il venait de se réveiller d'un long sommeil. Le voyageur entendit une question dans son esprit, comme s'il avait senti le chatouillement d'un insecte qui se serait déplacé sur sa peau. « Où sont les prêtres du temple ?» Il fit parvenir ses pensées à la statue à travers ses yeux. « Morts ! Ils sont tous morts et ont été réduits en poussière !» Il sentit la conscience de l'esprit prendre de l'envergure dans le bronze tandis qu'il regardait vers l'extérieur. Il n'avait pas besoin de ses yeux pour ce faire, car il était en mesure de percevoir toutes les directions en même temps. Ces paroles résonnèrent dans son esprit sous forme de murmures désespérés. « Désolation, désolation, la fin des jours, la gloire de Dieu est éteinte comme une torche de roseau dans l'eau du fleuve, et le toit de la maison n'est plus. » C'est avec ce cri pitoyable que l'esprit s'éleva par le sommet du crâne de la statue, avant de s'enfuir en gémissant dans le ciel nocturne. Un des ouvriers leva la tête pour demander au voyageur quel était ce bruit étrange qu'il venait d'entendre. Perdu dans ses propres pensées, le voyageur ne répondit pas. L'ouvrier haussa les épaules et continua à creuser. Ils creusèrent pendant toute la nuit et s'arrêtèrent une heure avant l'aube sans avoir trouvé de trésor. Peut-être était-il enterré trop profondément pour être déterré en une seule nuit. Il était impossible de poursuivre le travail pendant une seconde nuit, car les habitants de la cité s'en rendraient compte sans aucun doute. C'est donc à regret que le voyageur ordonna que la statue vide et sans vie d'Amon soit déposée dans le trou et que ce dernier soit rempli. Il n'y avait plus la moindre trace du travail de la nuit une fois le matin venu. La vallée de la rive occidentale du Nil qui accueille les tombes des nobles de Thèbes est un territoire désolé de sable et de rochers, entouré de hautes falaises et de coteaux abrupts. Les trous dans le sol révèlent les emplacements où les voleurs ont pillé les tombes dans un passé lointain. Les architectes de ces tombeaux avaient pourtant tout tenté pour dissimuler leurs emplacements, mais il y avait toujours des ouvriers au fait des endroits où l'or était enterré, et dont l'avidité était plus grande encore que la crainte qu'ils avaient des dieux. Les tombes qui demeurent inviolées sont très bien camouflées et profondément enterrées et pourraient bien ne jamais être découvertes par des moyens naturels. Il serait fort avisé pour le voyageur de n'explorer la vallée des morts qu'à la lumière du soleil et jamais en pleine nuit. La vallée est habitée par des apparitions vampiriques qui ne peuvent s'échapper de ses frontières mais qui sont constamment à la recherche de sang frais au sein de ces collines imposantes car elles se nourrissent de l'essence vitale qui est contenue dans le sang en mouvement. Elles ne boivent pas le sang en tant que tel, ne possédant pas de lèvres de chair avec lesquelles elles auraient pu l'aspirer, mais elles se nourrissent des humeurs qui se dégagent du sang dans les secondes où ce dernier gicle de la peau. Elles ne possèdent pas de corps physique, mais elles parviennent tout de même d'une façon ou d'une autre à couper la peau afin que le sang s'en écoule, et c'est ainsi qu'elles s'en nourrissent. Les coupures infligées par ces apparitions sont moindres en dimension que la largeur d'un doigt, et sont facilement confondues avec les morsures d'un insecte nocturne qui n'aurait pas été vu. Elles sont peu profondes, et comme les griffes de ces apparitions sont très tranchantes, elles sont pratiquement indolores, et la victime ne s'en rendra compte qu'en remarquant la texture mouillée du sang qui s'en dégage. Le danger qu'un voyageur pourrait courir par rapport à ces apparitions pourrait sembler assez faible, car une apparition ne peut couper la peau qu'une fois en plusieurs minutes, et la quantité de sang qui remonte ensuite à la surface ne représente que quelques gouttes. L'odeur du sang frais attire cependant les apparitions de leur tombe aussi sûrement que les insectes piqueurs sont attirés par l'exhalation d'un souffle, et elles se pressent ensuite comme une horde invisible autour du voyageur imprudent qui s'aventure dans la vallée la nuit. Chaque apparition infligera ainsi une nouvelle coupure à la peau du voyageur, et les vêtements ne peuvent les ralentir. L'infortuné voyageur se retrouvera ainsi rapidement recouvert de sang de la tête aux pieds. Les coupures étant indolores, c'est à la sensation d'être mouillé qu'il prendra conscience du péril qui est le sien. S'il possède un corps robuste et que la chance l'accompagne, il reconnaîtra le danger avant que les pertes de sang ne l'affaiblissent. Les apparitions se presseront autour de la proie sanglante en une masse indivisible, se nourrissant toutes de son essence vitale. Elles ne peuvent être détectées individuellement ou en faible nombre sans double vue, mais lorsqu'elles se nourrissent à l'unisson par centaines, leur silhouette exerce une pression sur la peau qui peut être ressentie comme une douce étreinte qui se resserre autour de la chair de tous les côtés et qui rend tout mouvement difficile. Il n'y a qu'un seul moyen de se défendre contre les apparitions vampiriques, et il s'agit de la fuite précipitée. Elle se déplace rapidement, mais sans avoir la vitesse d'un homme en pleine course, et si le voyageur arrive à conserver la maîtrise de ses sens et de son équilibre, il pourra les distancer. Mais encore faut-il qu'ils parviennent à trouver la force nécessaire pour se dégager de leur emprise lorsqu'elle l'entoure pour se nourrir. Il peut être dangereux de courir sur le sol de la vallée, car ce dernier est caillouteux, et les pieds peuvent facilement faire rouler ces pierres en courant. Si le voyageur devait trébucher et chuter sur le sol, les apparitions se jetteraient sur lui en un instant, et il n'est pas certain qu'il pourrait trouver la force de se remettre debout et de se libérer de leur sanglante étreinte une deuxième fois. Ceux qui se retrouvent prisonniers de leur emprise et qui parviennent à se libérer de ce piège le font au clair de lune, qui fait apparaître la traînée de leur regard déchaîné tandis qu'ils les fuient. Les voyageurs qui sont victimes des coupures des apparitions par une nuit sans lune sont voués à leur perte, car il n'est pas possible de courir sur le sol caillouteux de la vallée sans lumière pour éviter d'y trébucher. Une lanterne ou une torche seront insuffisantes, puisque l'éclat projeté par ces sources artificielles ne se rend pas assez loin pour permettre aux coureurs de détecter la présence d'obstacles sur le sol. Nombreux sont les hommes qui se sont aventurés dans la vallée de la mort en pleine nuit pour ensuite servir de repas aux chacals à la première lueur du jour. Car lorsque les apparitions sont repues, les chacals et faucons charognards viennent se servir à leur tour.